Une autre belle page d'histoire qu'on va revivre avec Stéphane Garneau, historien, qui vient nous faire encore l'honneur de sa présence. Salut Stéphane. Bonjour Alain. Comment ça va? Ah, très bien, toi? Ah oui, puis un sujet vraiment intéressant et important qui s'est passé dans la région. Tu vas nous parler d'une révolte ouvrière qui s'est déroulée le 23 avril 1923. Oui, on est à un siècle à quelques jours près de l'événement. 100 ans. Juste avant de parler de la révolte ouvrière de 1923, je pense qu'il est important de dire, des fois, les gens pensent que les manifestations ouvrières dans les mines, ça commence vraiment avec la grève de 49. Oui, c'est ça. Mais il y a eu quelques petites manifestations avant ça. Hein. Je prends un premier exemple. Il y a eu une grève en 1915. Oh. Donc, on est dans la Première Guerre mondiale. Oui, 14-18. Donc, le 18 octobre 1915, on dit la première grève de l'histoire dans les mines. Hein, le point de départ, c'est le refus des compagnies de la compagnie Jacobs Asbestos, qui est une compagnie qui a cessé par la suite, d'augmenter ses travails de 25 cents par jour. Hein, on dit que l'arrêt de travail va gagner en l'espace d'une heure des compagnies Asbestos Corporation, Bell Asbestos, Johnson. En tout, plus de 2000 mineurs vont manifester. Alors, là, on a à peu près 6000 de population là, en 1915. Oui. Fait qu'on parle de 2000 mineurs vont manifester dans les rues de Thetford afin d'obtenir de meilleures conditions. Hein. Leur principale revendication, le retour du salaire au niveau d'avant le début de la guerre, le versement régulier de la paye aux 15 jours, la rémunération proportionnelle au temps travaillé, la garantie qu'aucun mineur ne sera pénalisé pour avoir participé à la grève, et pour les travailleurs des mines Johnson et King, le privilège de pouvoir dépenser leur salaire dans d'autres commerces que ceux de leur employeur. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y avait des compagnies comme la Johnson ou la King qui avaient leur magasin. Okay. Le King Cash Store, le bâtiment est juste ici sur le coin de la rue, là, il existe encore. C'est où c'était situé, je connais, parce qu'il y a une réserve, le CLSC. C'est ça? C'était le King Cash Store à l'époque. Le magasin de la compagnie, donc on donnait de l'argent, puis t'allais dépenser ton argent dans le magasin de la compagnie. Fait que la compagnie récupérait ce qu'il donnait en salaire. En plus, oui. Fait que ça va durer 2 jours, puis 2 jours plus tard, finalement, les gérants des centres de compagnie vont accepter de verser l'augmentation exigée par les grévistes. Ça, c'est en 1915. Ouais, première grève dans l'industrie d'amiante. Tu sais, j'écoutais, je me suis dit, à une époque où les communications n'étaient pas très rapides. Hein? 1923, c'est un conflit ouvrier, mais c'est l'avantage d'un émeute ouvrière qu'un conflit ouvrier. OK. Et on va se mettre dans l'époque, on est le lundi matin, donc les gars reviennent à la mine parce que c'était dimanche, on ne travaille pas le dimanche. Et là, on apprend qu'il y a 2 vieux mineurs qui ont été mis à la porte par le gérant C.H. McNutt. McNutt. C'est un anglophone. Hein? C'est sûr qu'à l'époque, les anglophones, c'est des boss. Puis les francophones, c'est les employés. C'était même à l'époque. C'est ça. Monsieur McNutt, il paraît-il, il est assez sévère avec les employés. Hein? Il faut dire qu'il a aussi été, pendant la Première Guerre mondiale, colonel, je pense, dans l'armée. Fait qu'il a peut-être gardé des allures un peu de militaire pour gérer ses hommes. Ouais. Et là, les gars le prennent pas. Hein. Fait que les employés de la King et de la Beaver vont se mettre en grève et ils vont aller s'emparer de M. McNutt ainsi que d'un contracteur du nom de M. Henderson. Ils vont les prendre et ils vont les mettre dans un train qui s'en venait de Québec, qui s'en allait vers Sherbrooke. Ils vont les mettre dans le train pour Sherbrooke en leur conseillant, dans l'intérêt de leur peau, de ne pas revenir à Thetford Mines. Donc physiquement, on les prend, on les met dans garage le train. OK, oh boy. Là, quand on lit les journaux de l'époque, ça a l'air bien bon enfant. Là. On dit que 500 ouvriers, hein, 500 ouvriers à la gare sont assis à la gare pour assister au départ des deux messieurs. Il n'y a pas eu de désordre conduit. Les deux voyageurs ne furent nullement maltraités. Hein. On dit que les ouvriers chantaient avant de s'en aller à une fête. Hein. En fait, tu lisais dans le journal. C'était le party. Ah, le party était pogné. Non, mais c'est la vie est belle, là, pas de problème. Ouais. On prend 2 gars, puis dans le train, let's go, merci, bonsoir. Le problème, on vient de le régler. Mais ce qui est intéressant par rapport à ça, au centre d'archives, il y a une lettre de M. Philibert Lessard. Lui, il était mineur, donc c'est un témoin direct de l'événement. Et puis lui, il écrit une lettre à son frère le 27 avril 1923, donc 4 jours après la journée. Ouais. Puis son frère restait à Détroit. OK. Et voici lui ce qu'il dit dans la lettre. Là, excusez pour le français, n'oubliez pas, c'est un mineur qui écrit à son frère. Oui, c'est ça. Le niveau de scolarité n'était peut-être pas... correct. Les hommes des 2000 se sont fâchés lundi matin et ils ont cherché M. McNutt à son lit. Ça, on le dit pas dans le journal qu'il était cherché dans le lit, le bonhomme. Ils se sont rendus à la maison, puis ils l'ont ramassé dans son lit. Et ils l'ont paradé dans la ville jusqu'à l'heure du train. Et lui, et un autre qui était boss des fondations d'un moulin, et celui-là voulait faire le fantasme. Fait qu'ils ont donné une tape sur sa belle petite gueule, et un coup de pied dans la fonceur de son pantalon, et ils l'ont embarqué dans le char avec l'autre. Ce qu'il avait dit, c'est qu'en bon québécois, ils ont donné une tape sur la gueule, puis un coup de pied dans le cul. Oui. Fait que c'est peut-être pas aussi bon enfant que ce qu'on voulait le dire dans le journal. On n'est pas loin de l'agression, là. Ouais. Hein? Aujourd'hui, ça passerait pas. Non. Fait que... OK. Mais c'est sûr que 2 contre 500, je pense... Non, c'est sûr. T'as pas grand-chose que tu peux faire, hein? Non, pas bien, bien. Tu te laisses faire. Fait que là, évidemment, que là, les compagnies... La compagnie, il faut savoir qu'à l'époque, le bureau chef de l'Asbestos Corporation était à Sherbrooke. OK. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis dans le train pour Sherbrooke aussi. Ouais, va. Ou c'est pas mes trains qui est arrivé, puis ils l'ont mis dedans aussi. OK. Fait que là, les discussions vont commencer entre les mineurs et la compagnie, hein? Parce que là, les mineurs disent, on veut pas avoir M. McNutt. Mais, tu sais, il faut comprendre qu'à l'époque, les années 20, là, c'est toujours même pas les mineurs qui vont dire à la compagnie comment gérer leur mine. Ouais. On s'entend, là. Ouais. Fait qu'évidemment que l'Asbestos Corporation va dire, il n'y en est pas question. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est notre décision. Le 25 avril au matin, vers 10h30, il commence à avoir une rumeur dans la ville que M. McNutt est revenu en train de Sherbrooke. Oh. Ouais, mais là, M. McNutt, il n'est pas venu seul. Il est accompagné de 40 hommes de détectives chargés avec des fusils pour le protéger. OK. Des gardes du corps, quasiment. C'est ça, là. Hein? Fait que là, la foule va commencer à s'assembler hein, à l'hôtel de ville. Hein, on va demander l'appui des mineurs de toutes les autres mines de la région. OK. À 2h de l'après-midi, on va faire une réunion, là, d'urgence au collège La Salle. Fait de tout ça, puis... mais là, pourquoi? On sait pas pourquoi trop, mais là, tout à coup, comme on dit, ça commence à brasser. Fait que là, finalement, on se ramasse devant le bureau de la compagnie King parce que le message, c'est là qu'il se cacherait, M. McNutt. OK. Fait que là, évidemment, quand les mineurs vont commencer à réclamer M. McNutt, j'imagine que c'est pas pour lui dire chanter... Non, c'est ça, hein? Pas pour le sauter bienvenu. Hein, fait que là, voulant empêcher les ouvriers de prendre dans le bureau, on dirait un des policiers... Il va sortir dehors, puis il va menacer la foule avec son pistolet. Mais là, les gars, eux autres, hein, ils se laissent pas faire. Il y avait justement des ouvriers, des employés de la ville qui étaient là pour nettoyer les rues avec des boîtes d'arrosage. Okay. Ils vont s'emparer des boîtes d'arrosage, puis hein? Oui, des boîtes pour étendre des incendies. Ben oui. Puis qu'on se mette à arroser, la porte est un peu entrouverte, ils vont essayer d'arroser avec l'eau. Envoyer de l'eau dans le bureau, si tu es M. McNutt. OK. Et là, il y a un garde du corps qui va arriver, il va tirer à blanc. Faire peur au monde. C'est ça, faire peur au monde, mais okay. C'est le contraire. Le monde va s'en enfuir, oui, mais là, il y a des gens, les gars vont s'amorger dans les magasins pour se ramasser des fusils, des pistolets. On dit qu'il y en a même qui ont pris de la dynamite pour faire sauter le bâtiment. Aïe aïe. Et ça commence à chauffer. Oui. Là, heureusement qu'il y a le député provincial qui arrive. À l'époque, c'est L'Oréal Lapierre. OK. Lui, il va réussir à calmer un peu les ardeurs. OK. Là, il disait, attendez, je vais aller discuter avec eux autres. Je vais aller parler, là. Calmez-vous, là, parce que là, on est... C'est l'émeute, là. Écoutez, il est rendu avec la dynamite, là. Oui. Il va aller voir M. McNutt et il va lui faire comprendre que ça serait peut-être dans son intérêt personnel de prendre le prochain train qui arrive à 6h du soir pour partir de la ville. Ouais. M. McNutt, je pense qu'il comprend que, tu sais, là, on parle... Que là, il y a bien du monde dans la rue, là. Même si son 40 avec lui. Ouais. Fait qu'il accepte finalement de reprendre le train de 6h15 pour retourner sur Sherbrooke. Et on dit. Et là, je vous dis qu'à 5h, hein, il prend le train à 5h30, excusez-moi. Il prend le train à 6h15. Ouais. Il y a 3000 personnes dans les rues de Thetford Mines ou la gare pour s'assurer que M. McNutt prend le train. 3000? Et c'est quoi la population de Thetford à l'époque? 8000 personnes. C'est pratiquement de la moitié de la population qui s'assure qu'ils sont là pour s'assurer que M. McNutt prend le train avec ses 40 hommes. OK, on n'en veut plus, là. Lui, on n'en veut plus. Oh! Fait que pour ça, je dis que même son 40 avec des fusils, ouais, mais avec 3000, c'est ça. Faut tenter du monde, là. OK. Fait que là, finalement, ils vont reprendre le train avec ses 40 personnes, ils vont retourner à Sherbrooke. Là, comment ça va tout se finir, cette histoire-là, finalement? Les mineurs vont envoyer des représentants à Sherbrooke, parce qu'à l'époque, comme je disais, le bureau de l'Asbestos sont à Sherbrooke. Okay. Donc, M. L'Oréal Lapierre, le député, va y aller comme représentant pour les ouvriers. Et on va demander aux employeurs trois choses. Hein, pour parce que là, on avait arrêté de travailler depuis le début de la semaine. Là. Il y avait plus de travail qui se fait dans les mines. Pour reprendre le travail, on va demander trois choses. On va demander le renvoi définitif du gérant, de l'assistant gérant McNutt. C'est sûr, on ne va plus le renvoyer. On veut avoir le retour des deux vieux employés qu'on a dit ce qui a amené tout ça au départ. On veut que ça soit réintégré évidemment pour la mine. Okay. Et on veut que les mêmes conditions de travail salarial et tout soit pour les ouvriers. Okay. Hein, à l'époque, il faut savoir qu'en 1923, c'est environ 3$ par jour qu'un mineur va gagner. Okay. Finalement, la Colasse Business Corporation va accepter toutes les conditions des mineurs. Et le travail va pouvoir reprendre la semaine suivante dans les mines, comme si rien ne s'était passé. OK. Hey, ça, c'était en 1923, ça fait 100 ans, là. Oui. Et la photo que tu m'as envoyée, il y avait du monde en ville, là. Oui, c'était la photo, justement, sur la liste d'aller voir sur le site, la page Facebook de 105,5. Vous allez voir une photo des mineurs qui attendent dans les rues, M. McNutt. Ouf! Ça a brassé. Honnêtement, je t'ai écouté, je t'ai pendu sur le bout de tes lèvres carrément, là. Mais ça aurait pu mal virer. Ben, ça, mais hein. Parce que si le député serait pas passé dans lui, le coin... Lui, il a fait une belle job. On sait pas ce qui serait pu arriver. Peut-être que Telford serait reconnu aujourd'hui comme la journée du 25 avril 1923. Ouais. Serait peut-être passé à la postérité dans notre histoire. Ouais. Donc, il y a eu d'autres événements importants avant 49, avant la grève. Oui. Hein? Carrément. Excellent, mon cher Stéphane. Ça a été encore un grand plaisir. C'est moi qui nous remercie. On se retrouve en mai. Oui, en mai, on va se revoir. On va parler de la fondation du Cégep qui date de mai 1969. Oh, OK. Excellent. On se parle de ça. Merci. Merci. Bye-bye.